pour le vaisseau de Virgile. Que vos astres plus clairs gardent mieux du danger, Dioscure vivant, divin frère d'Hélène, le poète latin qui veut, au ciel Hélène, voir les Cyclades d'or, de l'azur émerger. Que des souffles de l'air, de tous le plus léger, que le doux Iapix, redoublant son haleine, d'une brise embaumée, enfle la voile pleine et pousse le navire au rivage étranger. À travers l'archipel, où le dauphin se joue, guidez heureusement le chanteur de Mantoue. Prêtez-lui, fils du cygne, un fraternel rayon. La moitié de mon âme est dans la nef fragile, qui sur la mer sacrée, où chantait Arion, vers la terre des dieux, porte le grand Virgile.